près des gens. Exemple, mon Dieu crée le ciel et la terre, et puis crée la lune et les étoiles. Les villes créées soleil, il bat tout sans besoin, mais bon Dieu sent son nom total. Bon Dieu créé le ciel et la terre, et puis créé la lune et les étoiles. Les villes créées la femme qui pour sucrer la vie, sans à la nature, pas ta qu'un sang. Je crée le ciel et la terre, et puis je crée la lune et les étoiles. Et puis je crée le soleil, il bat nous tous sans besoin, mais bon Dieu sent son nom total. Bon Dieu crée le ciel et la terre, et puis je crée la lune et les étoiles. Les vignes créent la femme qui pour sucrer la vie, sans ça la nature pas ta qu'un sang. Yes. Yeah. Tellement ça, tellement Dieu, il fait gratter. Pas gratiné. Guyane, on a route à finir. On va s'y aller.